la stratosphère, sous l'étoile du berger, après la date limite échauffourée. Les belles ouvrent leurs cerises et murmurent en langues orientales des nouvelles toutes de saveur délice. Car leur amour clandestin aux mille bougies sous les ogives, lui, ocre et miel, de longues veilles ferventes, où les doigts engourdis cherchent les accords et l'hydromel du futur. Mais la mort se vend bien, vraie mafia, et dealer aux poses en dentelle et filles tatouées sur momies glacées. Ils hurlent dans les cauchemars de jeunesse perdue. Mais où trouver l'issue de la prison d'essence, de la galère d'amour et des zones de haute passion? Viendront en sauveurs hypochondriaques dans la terreur du jour qui doit se prolonger, étiré par les oiseaux comme le ciel pendu aux yeux des orphelins mangeurs d'opium. Soulève la vie du monde concassé en miettes de bonheur comptable de tous les séismes. Modèle d'atmosphère, vitesse éclair.